acceptez mes propositions, dit le ministre. On veut vous nommer avocat du contentieux de la guerre, qui, dans la partie du génie, se trouve surchargé d'affaires litigieuses à cause des fortifications de Paris. Puis, avocat consultant de la préfecture de police et conseil de la liste civile. Ces trois fonctions vous constituent 18 000 francs de traitement et ne vous enlèveront point votre indépendance. Vous voterez à la Chambre selon vos opinions politiques et votre conscience. Agissez en toute liberté. Allez, nous serions bien embarrassés si nous n'avions pas une opposition nationale. Enfin, un mot de votre oncle, écrit quelques heures avant qu'il ne rendît le dernier soupir, m'a tracé ma conduite envers votre mère, que le maréchal aimait bien. Mesdames Popineau, de Rastignac, de Navarreins, d'Espard, de Grandlieu, de Carigliano, de Lenoncourt et de Labatie ont créé pour votre chère mère une place d'inspectrice de bienfaisance. Ces présidentes de sociétés de bonnes œuvres ne peuvent pas tout faire. Elles ont besoin d'une dame probe qui puisse les suppléer activement, aller visiter les malheureux, savoir si la charité n'est pas trompée, vérifier si les secours sont bien remis à ceux qui les ont demandés, pénétrer chez les pauvres honteux, etc. Votre mère remplira la mission d'un ange. Elle n'aura de rapport qu'avec messieurs les curés et les dames de charité. On lui donnera 6 000 francs par an et ses voitures seront payées. Vous voyez, jeune homme, que du fond de son tombeau, l'homme pur, l'homme noblement vertueux, protège encore sa famille. Des noms tels que celui de votre oncle sont et doivent être une égide contre le malheur dans les sociétés bien organisées. Suivez donc les traces de votre oncle. Persistez-y, car vous y êtes, je le sais.